Skyrock Classics. Give me that. I know you like it how I lean and I like you to be. dimanche 18h-20h Skyrock Classics avec Chris Brown et Lil Wayne à l'instant. On écoutait Gimme That à 18h58. Passez une bonne fin de week-end. Courage à tous ceux qui sont dans les bagnoles, coincés sur l'autoroute comme Alice qui nous écoutait tout à l'heure. Là, elle est coincée sur l'A8. Donc bah du courage à vous. Si vous êtes dans les voitures, si vous bossez demain aussi, du courage. Le son de Skyrock est là pour vous détendre en ce dimanche soir. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'en profiter. On est reparti pour une nouvelle heure de son Classics. Maintenant avec R. Kelly, voici Home Alone. Juste après Hypnotize, le gros son de Notorious B.I.G. Et Stomy Bugsy arrive aussi. Mon papa à moi, c'est un gangster. Et si l'émission vous plaît, réagissez sur internet avec le hashtag Skyrock Classics KLA2SIKS. C'est reparti sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. Gonna be a party, y'all. Keith Murray rocks five versions with Universal and Overcome. Combined with R. Kelly and prove it can be done. Non-stop in Death Squad and Rockland. I hear somebody knocking, you're on a party start. Yo, yo, who that? Step into the crib with me tonight. What's up, baby? Kelly's in the mood to make it right. Word is getting all over town. Party's over here and getting down. Yeah. Hands in the air. Hit 'em up, y'all. Drinks everywhere. Oh. Party in the hills. Yeah. Keeping it real. Yeah. And out of town. Word up, word Ladies up. All around. What? Me and the crew. Ooh. Ooh. Yeah. Beat is banging up and down your spine. And all the single women here are fine. Your body giving to your soul. Release the freak in you and lose control. Girl, there's a party going on. My temperature's warm. So let me freak you to the floor while the bass is pumping. Oh. All night if your body can handle. Hands in the air. Come on, come on. Drinks everywhere. At the house on the hill, you got to say my, like Johnny Gill. A rich girl, poor girl, get the same respect. You can all drink for free and call Earl Collect. At the moment of truth with burden of proof, we stack, shoot, and spread love like a truce. The lyrical genius with the R&B messiah in the roof, we set on fire. But as long as the party is jumping, we ain't concerned. We don't need no water, let the burn. And everybody who was somebody was there with their hands in the air, bringing in the new year. Yeah. Come on. Nuggets on the wrist is just for shine. Cause ain't nobody checking out the time. Catching clothes for days to blow your mind. Baby, it's all good, so dance tonight. Les sons qui ont fait l'histoire de Skyrock. Come on. Ha, sicker than your average. Pop a twist cabbage off instant.

déjà le canon qui fait exploser ma tête. À genoux, je te demande pardon, tu m'éblouis. Normal, t'es mon soleil, je suis ta lune. Faisons une éclipse, c'est l'apocalypse. Quand tu traces, mon cœur se crispe, mais sans recul. Quand la première fois t'as déboulé dans le studio, j'étais en train d'écrire studio. J'ai lâché mon stylo et je me suis dit, elle est stylée. Ah, dans les studios de Skyrock, c'est chaud. Elle a PIN. Avec le bubble, ça sera jamais la FIN. Quand t'as un bijou, faut pas la laisser partir. Je suis négro, Roméo, misto. Trop jeune pour mourir. Skyrock dimanche soir 18h-20h Skyrock Classics avec les versions uniques de vos sons préférés. C'était Say My Name, Destiny's Child et Stomy Bugs, enregistré ici dans les studios de Skyrock au 37 bis rue Grenetta à Paris. Steph est en face, il peut témoigner d'ailleurs. J'étais pas là lors de l'enregistrement, mais ouais, je témoigne que ça a été enregistré ici. D'ailleurs, il dit que c'est chaud dans les studios de Skyrock. Ah bah là, c'est chaud surtout pour les États-Unis, le 8US. On va bah ouais, tout ça, tu m'étonnes, on est bouillant quoi. On est parti pour la nouvelle révélation du 8US. Toi, Rancard Maxime, bah demain. Entre 9h et midi exactement. Ouais, c'est parti, on y va pour le 8US. Ça marche, c'est parti, on file aux States. C'est parti. 14h à New York, 11h à Los Angeles.